Willy chantait. Et j'avais dans les yeux des perles d'espérance, toutes mouillées de tendresse. Ils étaient tous là, tendres et révoltés, avec le vin de l'amitié qui nous aidait à boire la vie. Pourquoi cette émotion qui vient de mon ventre et qui meurt sur ta bouche? Oh, comme je voudrais que ces jeux interdits deviennent pour nous la conscience de nos âmes, le silence de nos armes. Par-delà les frontières, il y a nos différences, nos patiences et nos intolérances. Nous sommes tous pendus au firmament de l'univers. Willy chantait, nous étions tous et toutes réunis comme la nuit qui veillait. J'avais les larmes aux yeux. J'aurais voulu finir à cette seconde toutes nos luttes inhumaines. Je cherchais ta main, tes yeux. Et je pensais à nos enfants qui dormaient. Willy chantait. Et je voyais la terre entière, toute la terre, avec ma petite vie errante perdue en ce siècle. Pourquoi ce siècle? Je me laissais aller à la beauté des mots et à ma solitude. Peut-être un jour, je dis peut-être, peu importe le jour, nos combats cesseront pour toujours. La terre entière en émotion chantera sa liberté. Toutes nos armes rouillées s'éteindront pour toujours. Peut-être un jour. Je dis peut-être un jour d'intelligence.